quand je ne détruis pas des mondes, j'écoute animer nos mélodies. Freezer a été sponsorisé par les congélateurs Whirlpool. Whirlpool, le meilleur de l'électroménager. Bonjour et bienvenue dans ce déjà 20e numéro de Animer nos mélodies. Au sommaire de ce numéro, nous ferons la connaissance d'une idole qui tient une crêperie avec ses parents et qui se nomme Crémy. Nous partirons voguer dans la Voie lactée en compagnie de Albator 84 et de son équipage et nous terminerons notre voyage en sautant dans le temps à l'époque féodale remplie de ninjas, de démons érotiques et autres bizarreries avec Ninja Scroll alias Ninpuncho Jubei. Venez d'écouter le cultissime générique de Crémy Merveilleuse Crémy chanté par Valérie Barouille. Yu Moezawa est une petite fille rêveuse et amoureuse de son amie d'enfance Charlie, Toshio en japonais, qui ne voit en elle qu'une gamine. Alors qu'elle rêvait de Charlie, elle aperçoit dans le ciel un bateau volant. C'est l'arche de l'étoile merveilleuse. Elle monte à bord et fait la rencontre de Pinopino, un elfe qui lui remet un objet magique qui lui permettra de se transformer en une magnifique jeune fille de 16 ans. Elle sera accompagnée pendant un an par Sissi et Sinon, deux petits chatons qui seront ses anges gardiens et qu'elle seule peut entendre. Remarquée par hasard dans la rue par les productions Parthénon, Yu, sous le nom de Crémy, qui est un hommage au nom de la crêperie de ses parents, devra remplacer Chantal, une jeune idole bloquée par les embouteillages. Sa prestation remarquable et remarquée ne laissera personne indifférent, mais elle s'enfuit très vite. Commence alors le Mister Crémy, qui, une fois retrouvé, devra faire carrière en tant qu'idole sous l'influence de Charlie, qui est tombé instantanément amoureux de son double. Mais tout cela n'est prévu que durer un an. On se retrouve juste après le générique japonais. C'était le très sympa opening japonais Deriketo ni Tsukishite, aime-la tendrement ou délicatement. Une chanson chantée par Takako Ota, qui est aussi la seiyuu qui prête sa voix à Crémy. Nommée Mao no Tanshi Crémy Mami, soit Crémy Mami l'ange de la magie, cette série de 52 épisodes, produite par le studio Pierrot, avait été créée dans le seul but de proposer une série du même genre que Gigi, qui cartonnait à l'époque. Mais le succès critique et public de la série a permis de mettre en chantier une franchise de Magical Girl qu'on a tous vu en France sur la 5, comme Vanessa ou La Magie des Rêves, Amy Magic ou Suzy aux Fleurs Magiques. Malgré tout, seul Crémy fut un vrai succès. Il existe aussi 5 films inédits en France, des crossovers qui réunissent toutes les Magical Girls. Je vous cite souvent planetjeunesse.com dans ce podcast, C'est aussi sur ce site que j'ai appris que dans l'animé, le réalisateur des shows de Crémy est une caricature de Mamoru Oshii, un réalisateur qui a fait ses débuts au studio Pierrot, qui plus tard fera des films cultes comme ceux de Ghost in the Shell ou Pat Labor. Concernant les chansons que Crémy chante, pour la version française, c'est Claude Lombard qui fut choisi. Bien que l'on adore écouter ses chansons en dehors de l'animé, il est difficile malgré tout de ne pas être un peu perturbé lorsqu'on écoute dans l'animé, car Crémy est censé avoir 16 ans et non pas une quarantaine d'années, et la voix de Claude Lombard ne correspond pas du tout au personnage. Pour les excellentes musiques de la série, elles reviennent à Koji Makaino. Je vous ai déjà parlé de lui dans le animé No Melody spécial Babylon Crisis. Il est aussi le compositeur de Haku, Lady Oscar, Les Aventures de Claire et Tipoun, Suzy aux Fleurs Magiques, Vanessa et la Magie des Rêves. Il est temps d'écouter les musiques, mais pour cela, je dois faire appel moi aussi à mes pouvoirs. Pam pulilu, pim pululu, pam poum pam. Thank you. Daï. Retrouvez les références sur le site de animenomelodie.fr ou bien dans les commentaires de ce podcast. Il est temps de prendre les voiles cosmiques et de monter à bord de l'Arcadia avec Albator dit 84. Le voilà, Albator, le capitaine corsaire. Il revient, Albator, pour les enfants de la terre. Le voilà, Albator, Albator, le capitaine corsaire. Il revient, Albator, pour les enfants de la terre. Avec son bandeau sur l'œil, avec sa joue balafrée, avec le plus grand des cœurs, Albator s'est embarqué sur le pont de son vaisseau, trappé dans sa cape noire. Il nous revient bien plus beau qu'il était dans nos mémoires. Le voilà, Albator, le capitaine corsaire. Il revient, Albator, pour les enfants de la terre. Le voilà, Albator, le capitaine corsaire. Il revient, Albator, pour les enfants de la terre. Il a laissé en chemin sur une étoile lointaine une fille aux cheveux fins qu'il retrouvera fidèle. À travers les galaxies a planté son drapeau noir. Partout il a des amis, il sera chez nous ce soir. Le voilà, Albator, le capitaine corsaire. Il revient, Albator, pour les enfants de la terre. Reviens, Alba. Qui ne connaît pas cet animé culte des années 80 ? Albator 84, sous son vrai titre Waga Seishun no Arcadia Mugen Kido SSX. Cette série est une variante de l'épopée du corsaire de l'espace à la cicatrice. Cette fois-ci, il ne combat pas les sylvidres mais les humanoïdes. Contrairement à la première série produite par la Toei Company, Albator le corsaire de l'espace, Albator 84 n'est pas tiré des mangas de Leiji Matsumoto. Celle-ci se situe juste après le film L'Atlantis de ma jeunesse, qui racontait la rencontre d'Albator et de Toshiro. Albator 84 raconte donc leur combat face aux humanoïdes et à la recherche d'une planète idéale. Face à lui, aussi un humain qui voue une haine farouche à Albator, le professeur Zan, qui met sa science au service des humanoïdes pour abattre le corsaire. Cette série de 22 épisodes seulement fut arrêtée prématurément due à la sévère concurrence d'un autre animé diffusé à la même heure sur une autre chaîne japonaise, l'AMU. Mais il faut reconnaître à Albator 84 d'avoir eu la chance d'une production luxueuse pour l'époque avec une retouche du chara-design fait par Kazuo Komatsubara, célèbre pour Albator certes mais aussi pour Goldorak, Grand Prix, Galaxy Express 1999, Vassy Julie et tant d'autres. Un grand monsieur et aussi un grand animateur qui a laissé une trace indélébile dans le monde de l'animation japonaise et qui s'est éteint le 24 mars 2000. Écoutons le générique japonais Oretashi no Funade, chanté par Ichiro Mizuki. La musique de la série est signée par un grand nom, Shunsuke Kikuchi. Compositeur de grands classiques de l'animation japonaise, il est connu pour la franchise Dragon Ball et Dragon Ball Z, mais aussi pour les musiques de Goldorak, de Dr. Slump, du Collège Foufoufou, Tenchi Muyo in Tokyo ou bien la Tulipe Noire. Sa musique atypique est reconnaissable entre toutes, comme pour Seiji Yokoyama et son Senseiya. Il est d'ailleurs surnommé le Ennio Morricone japonais, tant l'influence de ce maître de la musique de film se ressent dans son travail. On ne parle pas de plagiat, mais d'ambiance sonore telle que l'on peut les imaginer dans les musiques des western spaghetti qui sont le plus souvent minimalistes. Shunsuke Kikuchi emploie la plupart du temps un petit groupe d'instruments donnant la part belle au cuivre comme les trompettes ou les tubas, les bois, le saxophone, la flûte traversière aux percussions, batterie, timbales, xylophone, vibraphone. L'ensemble se mariant dans un style pop ou funk plus que symphonique. En 2015, il est à noter que Shunsuke Kikuchi a reçu le prix international 2015 de la Société japonaise pour le droit des auteurs et compositeurs, la JASRAC, pour ses compositions musicales pour la série Dragon Ball Z. Âgé aujourd'hui de 84 ans, il profite d'une retraite bien méritée. Écoutons donc son travail sur Albator 84. Thank you. C'était Harlock No Ballad, le ending, chanté par Ichiro Suzuki. Dans un Japon médiéval fantastique, la peste fait des ravages dans un petit village. Les autorités en interdisent l'accès, tandis que le seigneur local dépêche sur place un groupe de ninjas d'élite pour enquêter sur le phénomène. Là, ils se font tous décimer par un terrifiant démon de pierre, Tessai, qui kidnappe une jeune femme, Kagero. Celle-ci va alors être sauvée par un étrange ninja solitaire, Jubei, qui montre vite toute sa puissance. Rapidement contraints de poursuivre les investigations sur l'affaire, Jubei et Kagero vont alors partir ensemble et affronteront d'autres sinistres personnages, particulièrement le terrible ennemi de Jubei, Imuru Genma, qui compte devenir maître du Japon. Grande production du prolifique studio Madhouse, ou sous son nom international Ninja Scroll, est un OAV culte sorti en 1993, comportant une animation et des personnages grandiloquents que l'on croirait sortis de Ken le Survivant, avec des hommes faits de pierre, de femmes serpents et autres techniques ninja abracadantesques. Cet OAV a aussi une signature unique, celle du réalisateur Yoshiaki Kawajiri, connu pour des œuvres comme La Cité Interdite, Oedo Cyber City, Highlander, le film animé, et bien d'autres. Son style reconnaissable passe par le chara-design signé de sa main ainsi que les couleurs employées entre le bleu et le rouge, le bleu acier pour la froideur et le rouge pour le sang et la mort. Ce film est particulièrement violent et comporte aussi des scènes érotiques. Malgré tout, cet OAV a acquis un statut de film culte en France à sa sortie chez Manga Video en VHS. La musique a été composée par Kaoru Wada, grande signature de l'animation japonaise, à qui l'on doit les musiques de Inuyasha, Harlock Saga ou bien Sazan Eyes, 3x3 Eyes, comme on pourrait le dire en français, et que vous avez déjà entendu dans l'anime No Melody numéro 13. Allez, on écoute les musiques de Ninja Scroll. Thank you. Thank you. 始まったばかり、何もいらない君が笑ってそばにいればいい。遠い夏二人で 歩いた浜辺座り置き去りにした優しさを拾い集めよう誰もが遠くでバラード今日も聴いているさまよう心を抱き寄せる風のように抱きしめただろう全て嘘じゃなかった永遠じゃなかったけれど一人だけは見つめる難しさも知っている時代が変わってくように心は変わらない綺麗になったね切なさに思いを試されて最後に君だけこの残ればいい誰もが遠くでバラードを今日も聴いているさまよう心を抱き寄せる風のように Cette magnifique ballade se nomme « Somewhere Far Away, Everyone is Listening to a Ballad » et c'est chanté par Riwei Yamanashi. Animé nos mélodies 20 est terminé. Je remercie mes partenaires habituels, Yann Kouza et Ryodoka, mais aussi planète-jeunesse.com pour les infos incroyables qu'ils recèlent. Je remercie aussi Yannick Kro pour les musiques de Anime no Melody et Philippe Ariotti, le comédien qui prête sa voix à Freezer dans Dragon Ball Z, pour l'intro de l'émission. Pour terminer, merci aussi à vous de me suivre depuis un peu plus de 2 ans. 2 ans, c'est 31 émissions au total et je compte pas m'arrêter là. On se quitte avec l'opening japonais de Gambare Kickers, but pour Rudy en France, avec le titre Kimiwa Nagareboshi. Et moi, je vous dis donc au mois prochain. Et en attendant, n'oubliez pas que la musique des animés, ce n'est pas que pour les japonais. si sur une autre.